Rose. Je me retrouvais entre deux policiers portant des gilets pare-balles qui m'emmenèrent au commissariat. Vous avez vos papiers ? Non, ils ont pris mon passeport quand je suis arrivée. Il fallut attendre l'avocate commise d'office. C'est fini, me dit-elle en arrivant. On va s'occuper de vous. Il faut raconter maintenant. Alors, j'ai raconté. Le lundi, c'était le lavage des vitres avant que les enfants rentrent de l'école. Un lundi sur deux, c'était, en plus, un coup de brosse à quatre pattes sur les tapis. Le mardi, il faut laver le linge, passer l'aspirateur et le chiffon dans le bureau de monsieur, car c'est le jour où il s'absente avec le jeudi pour plaider au tribunal. Le mercredi, c'est le balai autour de la piscine avant que les enfants n'y viennent jouer, et... Nous verrons votre emploi du temps précis un peu plus tard, me dit un des policiers. Décrivez-nous plutôt l'ambiance générale. J'avais peur. Il m'avait dit que j'étais la complaignante, mais je répondais à des policiers et j'avais une avocate. Courage, me dit l'avocate en me prenant gentiment la main. Parlez au passé maintenant. Pensez que c'est fini tout ça. Je repris. Au passé, au présent, je ne savais plus. J'utilisais uniquement mon temps à faire le ménage du mieux que je peux, mais ce n'était jamais assez. Madame a toujours une tâche supplémentaire à m'imposer. Quelquefois, je suis très fatiguée, car je suis peu nourrie. Un matin, je me suis évanouie de faiblesse. Depuis, elle m'a donné quand même une assiette de pâtes par jour. Madame crie toujours, même sur les enfants, surtout sur monsieur. « On vous a battu ?» me demande l'avocate. « Souvent, je suis battue, surtout quand monsieur regarde mes hanches. Madame ne supporte pas et me dit allumeuse. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. » Elle me regarde me laver aussi. Elle veut que je me frotte tout le corps avec une éponge à grattoir et du liquide vaisselle pour enlever toute ma crasse. Je ne compte plus les gifles que j'ai reçues en me faisant insulter de sale négresse. Et lui, il frappait aussi ? Lui, il préférait me caresser quand madame était absente. Sauf une fois, monsieur m'a donné 20 coups de torchon mouillé sur tout le corps pour m'apprendre à ne pas le cacher. Je n'y pouvais rien. Je mettais les vieux habits que madame récupérait. J'ai raconté encore longtemps. On m'a posé les questions les plus intimes, mais j'ai tout dit. Tout. Même le fœtus que j'ai perdu quand je me suis fait engrosser par le fils aîné. L'argent que monsieur cache sous la baignoire, les amants de madame. Quand j'eus fini, l'avocate m'a annoncé qu'on allait m'envoyer dans un foyer de femmes, comme elle a dit. Elle m'a aussi répété que désormais il faudra en parler au passé, que tout était derrière moi maintenant. Elle m'a expliqué qu'il y aurait un procès. Je n'avais pas compris si c'était contre moi, ce procès, ou contre madame et monsieur. Quand nous sommes arrivés au foyer, le policier qui m'accompagnait a dit à la femme qui nous accueillait « Je vous amène le cas d'esclavage domestique. »« C'est vous, Rose ?» me demanda la femme en souriant. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu prononcer mon prénom. J'ai enfin pleuré.